Chapitre 7e, partie de campagne. Victor Davron ouvrit un œil, tiré dans son sommeil par les miaulements furieux de deux chats qui se disputaient quelques trophées invisibles sous sa fenêtre. Le jour s'infiltrait à travers les longs rideaux de velours, projetant des éclats dorés sur les murs austères de la chambre. L'air semblait figé, chargé d'une odeur de bois ciré et de linge ancien, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. La sobriété de la pièce lui imposait un respect silencieux, teinté d'un malaise diffus. Le crucifix suspendu au-dessus du lit semblait le surveiller, tandis que la Vierge de porcelaine trônant sur la commode gardait sa posture de sentinelle immobile. Même les regards sévères des saints, figés dans leur cadre usé, semblaient juger chaque souffle, chaque pensée qui osait troubler ce sanctuaire figé dans une austérité désuète. Il tourna la tête vers l'horloge. 9 heures. L'heure du petit-déjeuner approchait. Ce moment où, dans le silence feutré du château de la Herse, le café fumant côtoyait les viennoiseries encore tièdes. À cette heure-là, il le savait, il ne retrouverait que Camille, et cette pensée lui arracha un sourire fugace. La veille, il s'était fiancé à elle, et ce bain d'émotion encore tout frais flottait en lui comme une chaleur douce et persistante. Pourtant, il ne se pressa pas de descendre. Les conventions du lieu, si présentes, semblaient tempérer même ses émotions les plus sincères. Camille était là, si proche, à quelques pas de cette chambre où il se sentait prisonnier. Mais 3 mètres d'épais murs de pierre les séparaient, transformant cette proximité en un gouffre infranchissable. À Paris, ils avaient partagé une liberté sans entrave, presque insolente dans sa simplicité. Ici, au contraire, les murs transpiraient la vertu, non par conviction, mais par ostentation. Un étalage de pureté dicté par les convenances qui pesait sur chaque regard, chaque geste, chaque mot. Il serra les poings, une grimace crispant ses traits. L'hypocrisie ambiante l'étouffait. Tout le monde, à commencer par la baronne Jeanne, devait bien se douter qu'il avait déjà connu bibliquement Camille. Comme on disait ici, avec cette fausse pudeur qui masquait mal une curiosité malsaine. Pourtant la baronne, cette gardienne farouche des apparences, exigeait que rien ne trahisse ce qu'elle devinait. Pas de regard prolongé, pas de frôlement, pas d'élan spontané. Une pureté de façade qu'elle chérissait comme une relique. Victor se leva et enfila ses vêtements, ajustant mécaniquement sa chemise et son gilet devant le miroir terni. Ses gestes étaient lents, presque hésitants, comme s'il cherchait à retarder l'inévitable. Mais il finit par descendre, poussé par une lassitude résignée. Dans la salle à manger, Camille l'attendait. Son sourire illumina la pièce d'un éclat de malice, brisant un instant l'austérité croissante. Ses yeux pétillaient d'une espièglerie qu'elle seule semblait oser afficher dans cette maison de marbre. Il prit place face à elle, se servant machinalement un pain au chocolat du plat central. Tandis qu'il versait son café, il sentit son regard posé sur lui, insistant, presque brûlant. Camille, silencieuse, saisit un croissant et le porta à ses lèvres avec une lenteur étudiée. Ses doigts effleuraient la pâte dorée, traçant des gestes qui paraissaient aussi innocents qu'ils étaient troublants. Elle mordit dans le croissant avec une sensualité qui semblait relever d'un art secret, une subtile provocation réservée à Victor seul. Il resta immobile, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, le cœur battant. Ce simple geste, dans le silence feutré de la pièce, résonnait comme un murmure interdit. S'il avait pu, il aurait franchi la table dans un élan irrépressible, pris Camille dans ses bras et l'aurait porté dans sa chambre, là, dans l'instant. Ici, dans ce château même, comme pour briser l'austérité des lieux par un acte de passion. Mais il savait que cette image délicieuse devait rester un fantasme, du moins jusqu'à leur nuit de noces. Il connaissait la règle du jeu et ne la contestait pas. Lui aussi avait grandi dans ce carcan de valeurs exigeantes où le devoir prévalait sur le désir. Alors il détourna les yeux, contenant son impatience. Le bonheur, songea-t-il, se trouvait peut-être ailleurs, pas dans la rébellion, mais dans la fuite douce, hors du manoir, loin des regards inquisiteurs. Il se surprit à imaginer une promenade champêtre, juste elle et lui, sur les chemins bordés d'arbres nus. Là-bas, dans l'air frais du matin, il pourrait s'offrir un moment de liberté volée. Et pour l'instant, c'était tout ce qu'il demandait. Les fiancés, décidés à profiter de leur matinée pour une escapade dans les bois, se préparèrent à quitter le château. Camille, avant de partir, monta au dernier étage pour prévenir sa mère qu'il ne serait pas de retour pour le déjeuner. Elle trouva la baronne Jeanne penchée au-dessus d'un seau de zinc qu'elle disposait précautionneusement sur le palier. Le bruit d'une goutte d'eau, régulière et implacable, résonnait dans le silence. En levant les yeux, la baronne lui lança un sourire fatigué. « Encore cette fuite ?» demanda Camille en désignant le seau. « Oui, en effet, » répondit Jeanne avec un soupir résigné. « La météo annonce un orage, et le toit ne tient plus très bien à cet endroit. Mais rien qu'on ait déjà vu. » La baronne haussa légèrement les épaules, comme pour balayer l'idée d'un problème insoluble, puis porta son attention sur sa fille. Camille hésita un instant avant d'annoncer doucement. « Maman, Victoire et moi allons prendre un peu de temps en tête à tête. J'ai préparé un panier pour un pique-nique, nous n'en reviendrons pas avant la fin de l'après-midi. » Un éclat amusé traversa le regard de la baronne qui hocha la tête sans un mot. « Bah, ma chérie, le parc est à vous » finit-elle par dire, sa voix teintée de bienveillance. Pour cette escapade estivale, Camille avait opté pour une robe en toile beige cintrée d'une ceinture tressée qui soulignait sa taille avec une simplicité élégante. Ses bottines en cuir souple, patinées par le temps, semblaient taillées pour les sentiers escarpés. Victor, quant à lui, avait laissé de côté ses habits de ville pour une chemise de lin dont il avait retroussé les manches et un pantalon de toile sombre. Ses chaussures de marche, marquées par l'usage, témoignaient de son goût pour l'aventure. Camille le rejoignit dans le hall, un sac à dos contenant leur pique-nique sur l'épaule. Elle l'entraîna à travers le parc du château où l'herbe scintillait encore des dernières traces de rosée. En chemin, ils passèrent devant une vieille balançoire rouillée, suspendue à une branche d'arbre massive. Camille la désigna d'un geste amusé. « Tu vois cette balançoire ? Ma sœur et moi passions des heures ici à jouer et à rêver. » Victor s'approcha, effleurant la chaîne rouillée d'une main, son sourire teinté de nostalgie. « J'aimerais bien te voir dessus, » dit-elle d'une voix douce mais engageante. Camille, riant doucement, s'assit sur la balançoire et se laissa aller un léger mouvement. Ses rires d'enfant retrouvés se mêlant au grincement plaintif du métal. Victor, immobile, l'observait, comme s'il découvrait une nouvelle facette de la femme qu'il aimait. À cet instant précis, elle était à la fois Camille l'insouciante et Camille la complice, un mélange déconcertant d'innocence et de maturité. Ils reprirent leur marche, traversant le parc, jusqu'à la majestueuse forêt domaniale qui s'étendait au-delà des limites du domaine. Sous les hauts chênes et les hêtres élancés, les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage en un jeu d'ombre mouvante, conférant au lieu une atmosphère presque sacrée. Les sentiers sinueux semblaient tracés par une main invisible, comme guidés par le souffle du passé. Camille s'arrêta soudain, levant les yeux vers les cimes majestueuses, le regard illuminé par une curiosité contemplative. « Tu sais, ces arbres ont été plantés sur ordre de Colbert, au grand siècle, » dit-elle avec un mélange d'admiration et de gravité. « Il voulait que des siècles plus tard, la France ait les chaînes les plus robustes pour construire des navires et régner sur les mers. Une idée folle, non ?» Victor s'arrêta à son tour, silencieux, son regard suivant les branches qui s'étiraient vers le ciel. Ces chaînes, témoins immobiles des siècles passés, semblait presque murmurer les rêves et les ambitions d'un autre temps. Victor sentit monter en lui une étrange humilité, comme s'il marchait dans l'ombre d'hommes capables de penser l'éternité. Touché par la profondeur de cette réflexion, il hocha lentement la tête, puis répondit d'un ton à la fois réfléchi et amer. Colbert savait que bâtir pour l'avenir demandait une patience infinie. Rien à voir avec les politiciens d'aujourd'hui, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat la plupart du temps. Un silence complice s'installa entre eux, uniquement troublé par le bruissement des feuilles dans la brise légère. Victor glissa un regard vers Camille, admirant la façon dont elle semblait pleinement enracinée dans cet instant, à la fois ancrée dans le passé et tournée vers l'avenir. Le silence qui suivit leurs échanges semblait amplifié par la forêt elle-même, comme si celle-ci approuvait leurs pensées. Chaque détail, depuis le tapis de feuilles craquant sous leurs pas jusqu'au lointain appel d'un cerf, faisait écho à une histoire plus ancienne que leur propre existence. Alors qu'ils continuaient à marcher, Camille révéla un autre aspect d'elle-même, une aisance instinctive avec la nature. Elle repérait avec précision des coins sépia girolles, dévoilant des anecdotes sur les cycles de la forêt et les habitudes de ses habitants. À un moment, elle s'agenouilla près d'une souche moussue et ramassa délicatement un champignon. « Regarde, » dit-elle avec un sourire triomphant, « des cèpes d'été. Ils aiment la chaleur et l'humidité, mais il faut savoir où chercher. » Victor, impressionné, la suivait en silence, découvrant une Camille bien différente de la femme élégante et bohème qu'il connaissait à Paris. Ici, elle semblait enracinée, pleinement elle-même, un peu entre noblesse terrienne et liberté des bois. Soudain, ils débouchèrent sur une trouée baignée de lumière. Au centre, une plantation inattendue s'étalait comme un îlot de verdure exubérante, défiant l'ordre strict de la forêt. Des plants de cannabis, hauts et vigoureux, s'élevaient fièrement, leurs feuilles dentelées scintillant sous la lumière diffuse. L'ensemble dégageait une aura presque irréelle, comme si la nature, conspiratrice invisible, avait décidé de magnifier cette végétation inattendue. Camille s'arrêta, et avec un sourire malicieux, se tourna vers Victor. « Hey, man ! Bienvenue dans le bout de Jamaïque de notre ami Totof !» Victor écarquilla légèrement les yeux avant de rire doucement. « Totof, bien sûr, ça ne pouvait être que lui. Quand on s'est rencontrés, il m'a tenu une conférence d'une heure sur l'agriculture comme acte spirituel. Maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. » Camille éclata de rire, ravie par le souvenir. « Oh oui, c'est tout lui. Cet endroit, c'est sa petite œuvre d'art. À l'origine, il voulait juste planter quelques pieds pour son usage personnel, mais la terre ici est tellement fertile que ça a proliféré manifestement. » Victor s'avança, intrigué, et passa une main sur une des feuilles en observant attentivement leur texture et leur éclat. « On dirait une plantation tropicale. Totof aurait pu monter un empire avec ça. » Camille haussa les épaules avec un sourire indulgent. Planifier n'a jamais été son truc. C'était juste un petit trip, une expérience entre deux chansons de Bob Marley et ses rêves d'autarcie. Puis il est parti à Cuba et quand il est revenu, il a trouvé ça. Maintenant il appelle cet endroit son sanctuaire. Il vient pour méditer, récolter un peu ou fumer, je suppose. Victor secoua la tête, un mélange d'amusement et de fascination sur le visage. Typique de Totof, créer quelque chose de spectaculaire sans même s'en rendre compte et ensuite s'asseoir pour regarder le monde passer. C'est un sacré personnage, ton pote. Camille lui lança un regard complice. Il t'aime bien, tu sais. Après la soirée afro-cubaine à Paris, il m'a dit « Ton Victor, il a une belle aura cosmique. Peut-être pas prêt pour les dreadlocks, mais il capte la vibe. » Victor éclata de rire, secouant la tête. « La vibe. Je crois que c'est le plus grand compliment que je pouvais espérer de lui. » Il va y aller à la prairie du regard, notant l'ampleur de la plantation. « Avec tout ça, on pourrait faire la fortune d'un coffee shop à Amsterdam. » Camille sourit en hochant la tête. « C'est clair, mais à l'époque, il s'était contenté de quelques plants cachés derrière des buissons. Quand il a vu à quel point ça poussait ici, il a juste laissé faire dame nature. » Victor passa une main dans ses cheveux, toujours un peu abasourdi. « Et personne ne tombe jamais sur cet endroit, même par hasard. » Camille secoua la tête avec assurance. « Non, c'est un no man's land qui appartient au château. Trop éloigné des sentiers, trop dense pour attirer des curieux. Et puis, les vieilles histoires aident. Les villageois racontent encore que ces bois sont hantés. De quoi dissuader les explorateurs et les braconniers. » Victor hausse un sourire amusé aux lèvres. « Alors ça, c'est ton côté fille des bois. Tu ramasses des champignons le matin, tu me montres une plantation clandestine l'après-midi et tu ajoutes un peu de folklore local pour couronner le tout. Camille, je crois que je ne te regarderai plus jamais de la même manière. » Camille répondit par une révérence exagérée. Son sourire espiègle illuminant son visage. « Bienvenue dans la forêt des secrets, mais attention, ce que tu as vu ici reste entre nous. » Camille s'arrêta soudain au milieu de cette prairie, lâchant doucement la main de Victor. Avec un sourire mystérieux, elle fouilla dans son sac à dos et en sortit une couverture à carreaux vichy rouge et blanc qu'elle déploya sur un coin dégagé entre les hautes tiges vertes ondulant doucement sous la brise. « Avant d'aller plus loin, j'ai une idée. Si on profitait de cet endroit pour une pause gourmande ?» Victor posa un regard circulaire sur les alentours, un mélange d'amusement et de surprise dans les yeux. « Pique-niquer au cœur d'une plantation clandestine. Voilà une expérience que je n'avais pas encore cochée sur ma liste. » Camille éclata de rire et commença à sortir quelques victuailles. Une baguette encore croustillante, de la charcuterie, un camembert fermier, des fruits juteux et une bouteille de cidre. Elle s'installa en tailleur sur la couverture, levant les yeux vers Victor, avec une lueur complice dans le regard. « Tout est meilleur quand on mange au milieu de la nature, tu ne trouves pas ?» Victor s'assit à son tour, sa curiosité l'emportant sur son scepticisme. Il partageait le repas en silence, ponctué de sourires et d'échanges légers. Le calme enveloppant de la clairière semblait suspendre le temps. Les rayons du soleil, filtrant à travers le feuillage, dessinaient des éclats dorés sur le tapis vert qui les entourait. Tout semblait étrangement irréel, comme un tableau vivant où eux seuls avaient droit de citer. « Tu sais, Camille, » lança Victor en croquant dans un morceau de pomme, « je crois que tu viens de me faire découvrir mon endroit préféré dans cette forêt. » Elle lui adressa un sourire malicieux, une étincelle d'espièglerie dans les yeux. « Le plus beau reste à venir, messire Davron. Ce n'est que le début. Mais pour l'instant, savourons simplement l'instant présent. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref moment, plus rien n'existait autour d'eux, excepté leur complicité et le murmure discret des tiges de cannabis bercées par le vent. En reprenant leur chemin, Victor jeta un dernier coup d'œil à la plantation, troublé par le contraste entre cet endroit sauvage et la solennité des bois environnants. Il hocha la tête, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. Cette clairière semblait être le miroir parfait de Camille, libre, audacieuse et un brin rebelle. Un peu plus loin, ils atteignirent les abords d'une vieille métairie, presque engloutie par la végétation sauvage. Plusieurs bâtiments épars entouraient une cour envahie d'herbes hautes. Certains, comme l'ancienne étable, tenaient encore debout avec une robuste dignité, tandis que d'autres, rongés par le temps, n'étaient plus que des murs fissurés ou des toitures effondrées. Quelques structures n'étaient que des ruines, vestiges de pierres témoignant d'un passé agricole révolu. Victor s'arrêta un instant, détaillant les lieux avec un mélange de fascination et de réflexion. « C'est fascinant. On dirait que tout ici attend qu'on lui rende vie. » Camille lui prit la main, l'entraînant à travers la cour en désignant les bâtiments l'un après l'autre. Là-bas, c'était le fournil. On y cuisait le pain pour le domaine. Et cette structure penchée, c'était une grange. Regarde, les portes tiennent encore, à peine. Ils continuèrent leur exploration, observant les murs fatigués, les toits troués, et imaginant les usages anciens des lieux. Camille, familière de chaque recoin, dévoilait ses trésors oubliés avec une énergie communicative qui ravissait Victor. Enfin, ils atteignirent l'étable, un bâtiment robuste malgré les années. Ce mur en pierre semblait défier les assauts du temps et une odeur âcre de foin sec emplissait l'air dès qu'ils poussèrent la porte en bois, usée mais encore fonctionnelle. À l'intérieur, des bottes de foin s'empilaient en désordre, répandant leur parfum poussiéreux. Les poutres de la charpente, noircies par les ans, formaient un réseau complexe de lignes imposantes, mises en valeur par la lumière tamisée filtrant à travers les interstices des murs. Camille s'avança au centre de la pièce, s'arrêtant près d'une meule de foin. Elle se tourna vers Victor, un sourire respirable aux lèvres. « Savais-tu que la plupart des garçons rêvent secrètement de faire l'amour dans la paille ?» lança-t-elle taquine. Victor, pris de court, cligna des yeux. Mais l'audace de Camille, combinée au charme brut de lieu, fit naître en lui un mélange troublant de gêne et de désir. Une chaleur familière l'envahit, alimentée par leur complicité naturelle et la liberté que ce moment semblait leur offrir. « Et toi » demanda-t-il en retrouvant son aplomb. Ferais-tu partie de ces filles prêtes à aider les garçons à réaliser leurs fantasmes ? Camille éclata de rire, un éclat clair qui résonna contre les murs de l'étable. Mais au lieu de répondre, elle s'approcha, effleurant sa chemise du bout des doigts, avant de l'attirer doucement à elle. L'instant devint électrique. Dans cette étable silencieuse, loin des regards inquisiteurs et des convenances imposées par le château, il n'y avait plus qu'eux. Ils s'abandonnèrent à l'intensité du moment, à la chaleur du foin sous leur corps, et à une passion trop longtemps contenue. Chaque geste semblait amplifier leur liberté retrouvée, chaque souffle se mêlant au parfum brut de la campagne. Quand le calme revint, ils restèrent enlacés parmi les bottes de foin, leurs regards dérivant sur les poutres vieillies. Le silence n'était rompu que par le souffle léger du vent s'infiltrant par une fenêtre cassée. Victor fixait les poutres, son esprit traversé par une idée soudaine. « Cette métairie, on devrait en faire quelque chose, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Camille tourna la tête vers lui, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Victor se redressa légèrement, s'appuyant sur un coude pour mieux contempler l'espace autour d'eux. Une base, un point de départ, pas seulement pour nous, mais pour tout le domaine. On pourrait restaurer certains bâtiments, redonner un sens à cet endroit. Camille se pencha doucement, son souffle chaud effleurant l'oreille de Victor. Elle lui susurra. « Oh, toi, tu as déjà un plan, n'est-ce pas ?» Victor hocha la tête, un sourire en coin. « Pas encore un plan, plutôt une idée. Mais il faudrait quelqu'un pour m'aider. Yacine, par exemple, il serait parfait pour ça. » Camille éclata de rire, légère et spontanée, comme si ce moment chassait la poussière des années accumulées dans l'étable. « Victor Davron, tu ne perds jamais le Nord. À peine as-tu vu cet endroit que tu veux déjà le transformer. » Il haussa les épaules avec malice. « Que veux-tu, ingénieur un jour, ingénieur toujours ?» Ils restèrent là, savourant l'idée, partageant une vision de l'avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Puis, se rhabillant lentement, ils quittèrent les tables, laissant derrière eux l'empreinte d'un moment volé, précieux et intime. Dans le silence de la cour, Victor s'arrêta un instant, son regard parcourant les bâtiments endormis sous la lumière déclinante. « Cet endroit, il deviendra quelque chose. Je le sais. » murmura-t-il comme une promesse à voix basse. À ses côtés, Camille lui prit doucement la main, un sourire indéchiffrable éclairant son visage. Ensemble, ils repèrent leur marche vers le château, leurs pas résonnant sur les dalles usées. En quittant les tables, Victor sentit une certitude profonde s'installer en lui. Ce lieu, chargé de souvenirs oubliés, portait désormais un avenir qu'ils pourraient façonner ensemble, pierre après pierre.